une tarte comme Marley. Dilate les pupilles, c'est de staff armé de stylos sur un pupitre. Écoute le charlet, le rythme s'accélère. Nos soldats sont parés, ils n'attendent que la caisse claire. Battement de cœur sur pacemaker, hématome, street album va faire l'effet d'un best-seller. On sait bien que c'est l'heure, mais c'est plus compliqué. Au fait, tu sais, les resellers ne reconnaissent pas la qualité. Comparer que c'est plus comme avant, tout le monde veut percer. C'est beaucoup moins marrant quand ils nous ferment les persiennes. On persiste jusqu'à l'agglomération succès, mais personne n'y arrive car les embouteillages se succèdent. Ils obsèdent pour la crise des subprimes. Les obsèques arrivent en masse car les subcrames, zut, drame. J'te le dis texto, tu peux tesso. Imagine-toi pieds nus sur un tas de tessons. Tesso, celui-là va devenir un de tes sons préférés. Si t'es sourd, bah augmente le caisson. Effrayé sont les MC devant la clip du colossal. Moi je rappe pour mes boxers et ça c'est honorable. C'est ma tombe, le street album, dès le retour on fait le bazar. Nos plumes sont tellement violentes que de capitaine elles sont brassard. La technique du farça, le talent c'est de NASA. C'est pour mon sens de brassard, c'est à toi ce soir que je bafa. Et ma tombe car notre rap est une lame équisère. Le point nous représente donc pas besoin de l'expliquer. Colossal clan, c'est neuf plumes de sang. Violent comme un crash en face à face à 200. Trop d'histoires de bâtards s'accumulent dans nos tribus. Même Marianne doit faire le trottoir pour combler le trou de la sécu. Aux entretiens on trébuche et devant le gardien on ne passe pas. Ils nous envoient dans les tribunes alors qu'on arche de peine. Benzema démarre, ils ne savent pas un seul de nos talents cachés. Ils ont craché sur notre jeunesse en faisant des talents cachés. Mais sachez que lourdement fâchés sont nos gâchettes, bande de fascistes. La révolte se forme, où sont vos cachets? Garde la blasé, car on ne veut plus d'une vie de smicard à mi-temps. On rentre dans le bise, mais les keufs nous sortent dès la mi-temps. Il est venu le temps que les temps changent, sortez les crampons. La réussite, je la prends, je fais pas de jambes, roulez le crampon. Mais je ne joue pas mon perso, derrière moi, les collègues kiffent. Car j'ai compris dès le perso qu'il fallait jouer collectif. Je répète, je ne joue pas mon perso, derrière moi, les collègues kiffent. Car j'ai compris dès le perso qu'il fallait jouer collectif. C'est pas comme le street album, dès le retour on fait le bazar. Nos plumes sont tellement violentes que de capitaine elles sont brassard. La technique du farça, le talent t'es de NASA. C'est pour mon sens de brassard, c'est à toi ce soir que je bafard. Et ma tombe car notre rap est une lame équisère. Le point nous représente donc pas besoin de l'expliquer. Colossal clan, c'est neuf plumes de sang. Violent comme un crash en face à face à 200. Et ma tombe street album.